Pour subvenir aux besoins du podcast, nous avons décidé de faire appel à des sponsors. Et aujourd'hui, il s'agit de Toucanbox. J'aime beaucoup Toucanbox parce que c'est une box conçue pour stimuler la créativité et l'imaginaire des 3-8 ans. Et vous savez à quel point ces thèmes sont importants pour moi. Chaque mois, les enfants reçoivent dans leur boîte aux lettres une box 100% recyclable et personnalisée à leur nom, contenant tout ce qu'il faut pour réaliser deux activités créatives, ainsi qu'un magazine très chouette, des autocollants et une surprise à collectionner. Si ça vous dit d'essayer, Toucanbox vous offre 50% de réduction sur votre première box. Pour en profiter, rendez-vous sur toucanbox.fr, toucan comme l'oiseau, box, box.fr, et saisissez le code LPH. Merci à Toucanbox de nous soutenir. Et maintenant, place à votre petite histoire. Les petites histoires de Tell Me. Pour cette histoire, mélangez des papiers, des doigts de fée, un brin d'inventivité, une sortie d'école, et vous obtiendrez la semeuse de bonheur. À la sortie de l'école avec les copains, on lâche des cris épatés. Posés sur les marches, des dizaines de drôles d'animaux en papier coloré. On dirait qu'ils nous attendent. Ils sont si minutieusement pliés qu'on dirait des bijoux. On n'aurait jamais cru en retrouver de nouveau le lendemain, le surlendemain, puis tous les jours. Le phénomène devient un rituel qui colore la fin de la journée. Personne ne sait d'où viennent ces merveilles d'origami et ne semble s'en soucier. Alors un jour, je fais semblant d'être malade. De ma chambre, je peux voir l'entrée de l'école. J'attends toute la journée et dans la rue déserte, je l'aperçois. Une vieille dame, toute voûtée, trottine à la vitesse d'une tortue jusqu'à la grille. Elle s'arrête, ouvre son grand sac en toile et dépose un à un, avec un grand soin, une bonne trentaine de ses incroyables pliages. Quand elle termine, son sourire la transforme en soleil, puis elle disparaît.